Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 5, du samedi 22 septembre 1883. Page 1, colonne 4. Nouvelle locale. La ferme Elkins, située à 1,5 mille de la ville, a été vendue dernièrement à un monsieur Hippolyte Verhart, immigrant belge. Monsieur J.C. Catanach, ministre de l'Église écossaise de Sherbrooke, est allé prêcher ses cours religionnaires de Trois-Rivières lundi dernier. Sherbrooke a reçu, la semaine dernière, la visite d'hommes distingués, citons entre autres l'honorable M. Chapelot, Sir A.T. Galt, M. Ross, le millionnaire québécois. On dit que plusieurs des colons belges, arrivés avec ou par l'entremise de M. G. Beckman, voudraient déjà vendre les fermes qu'ils ont achetées en arrivant. Avis aux amateurs. La manufacture de corsets de notre ville, dirigée par M. O. Gendron, augmente chaque jour sa main-d'œuvre. Actuellement, 90 ouvriers et ouvrières sont employés journellement. Le procès de M. E. Pingo contre M. Sims est enfin terminé. Ce dernier a été condamné mercredi 12 courant par M. le juge Plamondon à $50 de dommages et intérêts et à tous les frais de la cause. Dans la cause de M. V.W. Larue contre M. W.A. Morehouse, dans l'affaire de la liquidation de la société de construction La Nationale, M. Morehouse, propriétaire du journal L'Examiner, publié chaque semaine à Sherbrooke, a été condamné à $200 avec intérêts et les dépens de l'action. Dimanche, au prône, M. le grand vicaire Dufresne a annoncé que la permission nécessaire a été obtenue de l'autorité compétente pour faire le transport des corps de l'ancien au nouveau cimetière. Sont exclus pour le présent les corps des personnes mortes récemment de maladies contagieuses. Notre ville va, dit-on, être prochainement dotée d'une manufacture peut-être unique au Canada. Un de nos amis, M. Victor Bogart, aidé d'un de ses frères, qui arrivera au printemps prochain, va établir une manufacture de montres et d'horloges, à l'instar des manufactures suisses. Dans peu, nous donnerons d'autres détails. Sa grandeur, Mgr l'évêque de Sherbrooke, est absent depuis la semaine dernière à Québec et Chicoutimi. Le principal but de ce voyage serait d'enrôler des prêtres disposés à se vouer aux missions du diocèse de Sherbrooke. On sait qu'ici, la moisson est abondante et les ouvriers rares. Puisse le zélé prélat réussir à trouver des ministres pour la vigne du Seigneur. Monsieur Étienne Boucher, notre marchand ferblantier bien connu, a reçu une demi-douzaine de commandes pour sa fournaise à air chaud brevetée de la part de citoyens de la paroisse de l'Île Verte, en bas de Québec. On voit que la renommée de notre concitoyen fait son chemin. M. Potvin, l'un de ses employés, fort habile artisan, doit partir prochainement pour aller ajuster ses fournaises. Plusieurs jeunes gens de cette ville, voulant utiliser leur moment de loisir en unissant l'utile à l'agréable, viennent de former un comité de discussion. Parmi les membres de ce comité, on remarque de jeunes avocats, des étudiants en droit et plusieurs autres employés de commerce. Nous ne pouvons trop féliciter ces jeunes gens de cette détermination. Anglais comme Canadiens-Français font partie de ce club, la discussion ayant lieu indifféremment dans les deux langues. La première assemblée a eu lieu vendredi dernier. M. Léonard, étudiant en droit, a été nommé président. M. Charbonnel, également étudiant en droit, a été élu secrétaire. Nous félicitons notre société naissante et nous lui souhaitons tout le succès possible. Les lecteurs annoncent que la jeune femme Coates, accusée d'avoir empoisonné son mari, a retenu comme l'un de ses défenseurs, M. F.X. Lemieux, avocat à Québec. Nous ne savons sur quoi s'appuie notre confrère pour annoncer cette nouvelle. Le mieux elle sera défendue, le mieux ce sera pour elle. Mais nous pouvons assurer notre confrère qu'en fait de défenseurs habiles, tout est ici pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. C'est une cause essentiellement de langue anglaise. Le français n'y sera probablement point pour le mieux. Qui verra, verra. Beaucoup d'ouvrages en perspective pour le printemps prochain. Monsieur E. Winter, cellier, fera élever une belle maison en briques à la place de sa vieille demeure, qui n'est plus à niveau. Monsieur Étienne Boucher, ferblantier, fera aussi reconstruire son magasin. Ces deux nouveaux bâtiments seront faits sur la rue Wellington. À propos de bâtiments, depuis 8 jours, les gens s'arrêtent, surpris, devant les magasins de Messieurs Olivier, frère, et de Monsieur A. M. Richer, qui s'élèvent graduellement jusqu'au nouveau niveau de la rue. Ce travail difficile a été confié à Monsieur W. Long. Nous avons reçu, mardi dernier, la visite d'un brave Canadien-Français de retour des États-Unis. Monsieur Pierre Guilmette, après avoir passé 7 ans chez nos voisins, est transporté de joie de se voir de nouveau dans sa patrie. Il a acheté une ferme à Stoke Centre, où il espère amasser plus d'aisance que dans les manufactures des Yankees. Il déclare hautement que, quand on connaît bien toutes les ressources du beau Canada, il faut être fou pour s'expatrier. Nous n'avons jamais vu un homme justifier si pleinement le vers du poète « Rien n'est si doux que la patrie ». On lit dans le Waterloo Advertiser « Le Progrès de l'Est est le nom du nouveau journal français publié à Sherbrooke par Bélanger et compagnie et dont M. L.C. Bélanger est le rédacteur. M.B. est un journaliste habile et d'expérience qui saura rendre le progrès intéressant. La nouvelle feuille s'annonce comme devant donner un appui indépendant au Parti conservateur. Merci aux confrères de la bonne opinion qu'il a de notre journal. Nous lui ferons seulement observer que M. L.C. Bélanger n'en est point le rédacteur. Les devoirs de sa profession ne lui laissent guère de loisirs et la situation politique actuelle n'est pas assez attrayante pour le ramener sur la scène à présent. Ça viendra plus tard. En attendant, nous comptons sur lui comme guide et inspirateur dans les sentiers tortueux par lesquels il nous faut passer. Il a en effet beaucoup d'expérience dans le journalisme et son esprit d'indépendance est bien connu. On lit aussi dans le même journal un article d'une colonne sur le regretté comte de Chambord est le plus près que le rédacteur de la Gazette de Sherbrooke ait pu approcher de la politique. Le nouveau rédacteur devrait s'emparer des questions importantes actuellement débattues chez nous. Pour commencer, par un sujet politique facile et de beaucoup d'intérêt, il pourrait traiter de M. William Sawyer comme homme d'État et comme orateur. Bien touché, spirituel confrère. On lit dans la Minerve François Gaston Delamarre, Henri Descours et Massé sont arrivés ensemble à Montréal ces jours derniers. M. Descours, ayant trouvé de l'emploi immédiatement, pria son compagnon Massé d'aller, le lendemain matin, réclamer ses bagages à la gare Bonaventure. Massé le promit, mais à l'heure fixée, il constata que le contre-marque de Descours lui avait été volé. Les soupçons se portèrent sur Delamarre, qui était disparu, et la police secrète fut avertie. Celle-ci découvrit bientôt que le coquin s'était dirigé vers Sherbrooke avec la malle de Descours et le fit arrêter par la police de cette dernière ville au moyen d'une dépêche télégraphique expédiée sans délai. L'agent de police Néglé s'est rendu à Sherbrooke et en a ramené le fugitif qui a été incarcéré. La malle volée contenait des vêtements et des effets de literie pour une valeur de 104 $. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2014 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com.